mariage New York, mariage qui facile. Acte de témoin, ou entrer City Hall. Divorce New York, encore plus facile. Après deux, trois mois, viré de la laine. N'a point juge de paix, ni commissaire, ni papier timbré pour mettre milieu. Yo besoin marier pour y aurait les madames. Jeune Jean Brodeck, besoin résidence. Besoin vite New York pour sa jouer la ville. Pour le fin gain l'argent, li comprendre li bon. Li vire la lèvre, fille a nan problème. Mariage New York, facile. Son tête chargée, facile. Mariage New York, facile. Pour fin pour un fil, et dollars. Mariage facile, sans tête chargée.